Oui, Seigneur. Oui, Yahweh. Emmanuel. Dieu est avec nous. Tu es là ce matin, Seigneur. Libère ta faveur et ta grâce. Libère ta gloire au milieu de ton peuple. Yahweh, merci pour ces 11 mois écoulés de l'année de notre nouveau départ. Merci pour les multiples départs, nouveaux départs, départs glorieux. Merci Seigneur Dieu pour le privilège. Tu es le Dieu vivant et vrai. Tu es le Sauveur parfait. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu véritable. Tu es le chef de notre foi. Tu es le Dieu de grâce. Ta grâce est infinie. Nous réjouissons de t'appartenir. Tu es Dieu et il n'y en a point d'autre. Le Dieu véritable. Celui qui s'est confié à toi n'a pas hâte de fuir. Celui qui s'est réfugié en toi est en sécurité. Le rempart, le bouclier, c'est toi. Les saluts, c'est toi. La grâce, c'est toi, Jésus. La grâce, c'est toi. Et nous t'adorons, nous te célébrons, nous t'acclamons. Yahweh! Yeah! Alléluia! Alléluia! Alléluia! Seigneur, bénis ce programme. Tu nous as convoqués. Dans ces 2 semaines de grâce insondable, nous sommes prêts. Et toi, tu es prêt depuis le commencement. Merci, Seigneur. Tu n'abandonnes pas l'œuvre de tes mains. Ce que tu fais bien. Quand tu bénis bien. Quand tu offres ta grâce, tu l'offres abondamment. Merci, Seigneur, pour les grâces auxquelles tu nous fais accéder. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour les miracles et les signes, les prodiges que tu veux accomplir par ta grâce. Merci Rocher de mon salut. À ton nom revienne toute la gloire. Bénis Seigneur ce programme. Prends-les en charge et prends-nous en charge. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous nous asseyons devant le Seigneur. Je déclare ouvert le programme des grâces insondables 2018. Au nom de Jésus-Christ. Que les grâces coulent vers toi. Et que ces grâces t'affectent. Et que tu trouves ta part. Et que personne ne te ravisse ta part. Elle est à toi, elle sera à toi. Et tu la vivras, tu la palperas. Et tu en jouiras. Amen. Amen. Nous commençons donc aujourd'hui ce programme. Et nous allons jusqu'au 16. Et nous serons en jeûne et prière depuis aujourd'hui jusqu'au 16. Vous pouvez prendre léger le soir comme des adultes. Et durant les 2 semaines, nous allons avoir des moments de prière la journée et la nuit à 20h. Si vous n'avez pas eu le temps la journée, vous pouvez venir. Si vous ne savez pas venir, prier en famille, avec la famille, à la maison. Et la journée, à 12h, venez prier. Ou avant Le lieu est ouvert. Si tu as le temps, même au boulot, tu as un petit coin au boulot, maximise tes temps libres pour prier là au service. Et la semaine prochaine, nous allons avoir un temps matinal de 6h à 7h30 de prière flow. Et les après-midi, nous continuerons comme cette semaine, tous les jours à 15h. Nous sommes là pour écouter la parole, pour célébrer Dieu, pour prier. De lundi à samedi. Et la semaine prochaine, mercredi à vendredi, il y aura un temps spécial de retraite pour tous les ouvriers. Ils seront dans la prière, dans la prière. Nous serons dans la prière, dans la prière. Nous serons ici, tous les ouvriers, on va prier. C'est-à-dire ceux qui vont être au boulot vont rejoindre les autres. Ceux qui vont sortir et revenir. Vous allez apporter votre natte ou votre moquette. Et nous serons ici. On va prier, tous les ouvriers. De mercredi à vendredi. Et tout le monde, le programme continuera tous les jours à 15h30, 15h, nous sommes là. Et quand vous venez, plongez-vous dans la prière. Ne venez pas juste pour attendre un officiant qui va se présenter. Venez et priez. Alléluia. Alléluia. Et le 16, nous allons avoir Sainte-Seine. Et durant ces 2 semaines, nous serons en train de prier aussi pour 2019. C'est là qu'il est écrit dans Psaume 32, verset 6, qu'ainsi tout fidèle te prie au temps convenable, car les grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Nous voulons prier à temps. Dites à ton voisin, prier à temps. Il faut prier à temps. Donc nous allons prier pour 2019 durant ces 2 semaines. Et le 16... nous aurons aussi l'opportunité de donner une offrande de sacrifice pour 2019. Tu vas être en train de préparer ton offrande de sacrifice. Tu vas s'aimer pour 2019 en sacrifice. Il est écrit, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Depuis le temps de Noé, il est écrit, la loi de la semence et la moisson a été établie. Celui qui ne sème pas ne moissonne pas. Celui qui sème, il moissonne. Et donc, prépare-toi pour les 16, offrande de sacrifice. Et les 30, nous allons avoir offrande d'action de grâce pour 2018. Tu vas venir dire merci pour 2018 et tu vas faire une action. Tu vas apporter une offrande de remerciement, d'action de grâce à l'Éternel. Nous allons le faire et Dieu sera content. Alléluia. La joie du Seigneur sera votre force. Alors ce matin, nous démarrons avec notre programme de grâces et sondables 2018 sous les thèmes que vous connaissez depuis quelques temps maintenant, infiniment au-delà par sa grâce. Je vous propose 3 textes. Éphésiens chapitre 3, verset 14 à 21, et puis verset 1 à 13. Ensuite, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 7 à 10. Et puis Romains 8, 32. Et je vais vous inviter à lire avec moi Éphésiens chapitre 3. Si vous pouvez vous lever, nous lisons ensemble ce texte. Nous levons ensemble à partir du verset 14 d'abord et puis on va remonter au premier verset. Éphésiens chapitre 3. Vérifie pourquoi le voisin est fatigué alors qu'il vient d'arriver au culte. Si tu n'as pas de Bible, tu lis chez le voisin. Et les médias nous aident aussi avoir le texte à l'écran. Alléluia. Vous êtes prêts? Allons-y. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse et sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, et de sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la hauteur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous passons ou demandons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ et dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Regardez, frères, la parole inspirée de Dieu, Paul parle de la grâce inspirée par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit met un point intéressant. Le Saint-Esprit dit Amen. Vous avez vu? Le texte se termine par quoi? Qui a inspiré le Amen là? Ou c'est Paul qui a ajouté? Est-ce que c'est Paul qui a ajouté Amen? C'est le Saint-Esprit qui a ajouté? Si le Amen n'était pas inspiré de Dieu, du Saint-Esprit, il ne serait pas là. Donc le Saint-Esprit a dit Amen à cette parole. J'aime le Saint-Esprit. Si dans le trône de Dieu, une parole sort et Dieu lui-même dit Amen à sa propre parole, c'est que cette parole entre en exécution et son intégrité marche derrière cette parole pour l'accomplir. Dieu lui-même dit Amen. Regardez le premier verset. On y va. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Et arrêtez un peu. Vous voyez, la dispensation, c'est la distribution. La dispensation, c'est l'opportunité. La dispensation, c'est la disponibilité. La dispensation, c'est l'offre. Nous disons que nous sommes dans la dispensation de la grâce. Nous sommes dans l'offre de la grâce. Nous sommes dans la distribution de la grâce. Nous sommes dans la disponibilité de la grâce. Et Paul dit, la dispensation de la grâce que j'ai reçue pour vous. Paul, tu as des choses pour nous, Paul. Donne-nous les choses que tu as obtenues pour nous. J'ai obtenu la dispensation de la grâce pour vous, païens. Paul, donne-nous ce que Dieu t'a remis pour moi durant ces 2 semaines. Seigneur, dis à Paul de libérer les grâces qui me sont destinées, qui ne gardent rien. Il dit pour vous païens, c'est-à-dire les non-juifs. Il ne s'agit pas des païens là, qui sont païens, c'est les non-juifs. Dans notre verset, il est écrit pour vous les gentils. C'est comme ça qu'on les appelle. La dispensation. La dispensation. Je vous ai dit dans le passé, chacun d'entre nous détient quelque chose de la destinée de quelqu'un d'autre. Vous détenez la dispensation d'une portion de la destinée de quelqu'un. Je détiens une portion de votre destinée. Je détiens la dispensation, la disponibilité de quelque chose pour vous. Et je suis en train de vous le donner maintenant. Recevez-le. Paul dit, j'ai reçu la dispensation de la grâce de Dieu pour vous. Pour vous. Merci Paul. Et puis ce qui est intéressant, le Saint-Esprit a dit amen à cette parole. N'est-ce pas, à la fin? Quel est le dernier mot de ce texte? Amen. Le Saint-Esprit a dit amen. Amen signifie ainsi soit-il. Ou bien, amen signifie qu'il soit ainsi. Na iwe hivyo. Donc le Saint-Esprit a dit qu'il soit ainsi. Et quand le Saint-Esprit met ce clou ou ce point sur les i pour dire qu'il soit ainsi, quand le Saint-Esprit le dit, alors cela va arriver. C'est pourquoi ta dispensation va arriver. La dispensation de la grâce de Dieu. Continuons la lecture, verset 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, est-ce que vous savez ce que Paul veut dire? Il dit ce mystère, c'est-à-dire cette dispensation de la grâce, c'est-à-dire ce Christ, c'est-à-dire ce dépôt de votre grâce, ce mystère, c'est un mystère, c'est indescriptible, c'est grave, c'est un mystère. Vous voulez voir ce contenu du mystère? Allons-y, ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers. Les païens forment un même corps. Les païens participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été confié par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Quel est le contenu du mystère? Les païens sont co-héritiers. Jésus est héritier. Nous sommes avec Jésus héritiers. C'est ce que veut dire co-héritier. Nous sommes co-héritiers. Mystère, grâce. Quel est ton ongle qui te permet de devenir cohéritier avec Christ? Grâce. Nous héritons les mêmes promesses avec Jésus. Qui de ta famille? Est-ce qu'on te connaît même? Qui te connaît? La grâce. À ton voisin, je suis connu par la grâce. La grâce me connaît. Alléluia. Alléluia. Nous héritons les mêmes promesses. Nous formons un même corps, mystère, avec Christ. Regardez un peu derrière. Regardez à côté. Chapitre 2, verset 19. Regardez, vous avez vu? Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Hey! Nous sommes des gens de la maison de qui? De Dieu. Mystère! Qui t'a autorisé la grâce? Qui t'a rendu capable la grâce? Comment tu peux prétendre à cela toi aussi? La grâce. À cause de la grâce. Je suis devenu concitoyen des saints. Je fais partie des saints. Alléluia. En étant partie des saints, la Bible dit, je suis devenu Jean de la maison de Dieu. Je ne suis plus dehors. Je fais partie dedans. Tu peux dire à ton voisin, je suis dedans. Je suis de la maison. Dis-lui, dis-lui. Je suis de la maison. Dis-lui que tu es de la maison. Je suis de la maison par la grâce. Je suis de la maison par la grâce. Je fais partie de la famille de Dieu par la grâce. Mystère. Mystère. Et puis, Paul, je voudrais me permettre de dire, il exagère. Lorsqu'il dit, au verset 19 de 3, il dit, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Remplis toute la plénitude, pas un morceau de la plénitude de Dieu, pas une portion, toute la plénitude de Dieu. Regarde le voisin, regarde le voisin, regarde. Demande-lui, c'est possible vraiment? Mystère par la grâce. Il est prévu que nous serons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu par la grâce. Ah, les gens qui prient Dieu et qui rencontrent quelqu'un qui est rempli dans toute la plénitude de Dieu, ils n'auront pas besoin d'aller à la montagne, à Seselkaou, à Kiroche ou je ne sais pas où. Ils vont aller vers toi, tu deviens la montagne en question. Alléluia. Je suis rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu par la grâce. La grâce. La grâce. Mais cette grâce est terrible. Et dans Romains chapitre 8, verset 32, il est rapidement écrit au verset 32, « Et lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses par l'ongle ?» C'est ce que vous avez lu? Par les grands-pères. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses par sa grâce? Sa grâce. Comment? Il a déjà tout donné. Il a déjà livré le mystère où nous sommes co-citoyens des saints. Nous sommes co-héritiers. Nous participons à la même promesse. Nous sommes dans le même héritage. Nous sommes devenus des gens de la maison. Nous sommes devenus des participants à la plénitude de Dieu. Comment ne nous donnera-t-il pas alors toutes choses? Vous voyez, le toutes choses est inférieur à ce que nous avons reçu dans le mystère. Toute chose, tout ce que tu as été en train de demander durant cette année 2018, comment Dieu ne le donnera-t-il pas? Lorsqu'il a déjà fait de toi un concitoyen des saints, lorsqu'il a déjà fait de toi un enfant de la maison, lorsqu'il t'a déjà donné la plénitude, comment va-t-il te priver d'une petite guérison, te priver d'un petit mariage, t'es privé de quoi? C'est petit. Pourquoi? La grâce est là. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Gloire au Seigneur. Asseyez-vous un instant. Asseyez-vous un instant. Alléluia. Alors ce message, ce programme est destiné à cette catégorie de personnes. On va commencer à partager sur un ou deux les temps que Dieu va nous permettre. Alléluia. Alléluia. Et Dieu voudrait atteindre quelques objectifs durant ces deux semaines. Le premier objectif, il voudrait nous amener à comprendre la grandeur de la grâce de Dieu envers l'homme face à ses misères, face à ses bassesses, face à ses indignités. Regardez, si vous balancez la grâce face à ce que vous êtes, alors vous comprenez la valeur de la grâce. Vous comprendrez. La grâce nous sort du néant. La grâce nous sort de nulle part. Alléluia. Quand vous lisez Galates 1, 11 à 24, vous trouvez Paul en train d'expliquer comment la grâce l'a saisi. On va revenir sur cela au courant de la semaine. Le deuxième objectif, c'est que Dieu veut nous amener à comprendre la nature ou les différentes natures de la grâce et ses différentes facettes. Troisièmement, il veut nous aider à comprendre la responsabilité de l'homme face à la grâce. C'est-à-dire, que faire quand je rencontre la grâce? Oui, Seigneur, merci pour la grâce, mais dès que je l'ai, je fais comment? Quatrième objectif, Dieu voudrait nous amener à comprendre les missions de la grâce, les missions de la grâce dans l'humanité. La grâce de Dieu a été jetée dans l'humanité. Elle concerne l'humanité, elle ne concerne pas seulement l'Église. Elle ne concerne pas les pasteurs restants seulement. Elle te concerne, elle concerne tout le monde, l'humanité. Et elle joue quel rôle dans l'humanité, la grâce? Elle joue quel rôle? La grâce. Cinquièmement, Dieu voudrait nous amener à croire Dieu pour l'impossible au travers ou par le canal de la grâce. Si par la grâce, Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous imaginons, au-delà de ce que nous pensons, ça veut dire que Dieu peut faire le surnaturel. Dieu peut faire l'impossible pour nous. Et durant ces deux semaines, il faudra que tu t'exerces à croire Dieu pour l'impossible. Parce que le Saint-Esprit a dit à la fin, amen. Il a dit amen. Et sixième objectif, Dieu voudrait nous encourager à regarder 2019 avec plus de confiance en les dieux qui fait grâce. Plus de confiance. 2019 arrive. Est-ce que je vais pleurer comme j'ai pleuré à 2018? Est-ce que je vais pleurer comme j'ai pleuré à 2015? Est-ce que je peux faire confiance à Dieu pour que sa grâce m'affecte, que sa grâce m'arrive, pour que je profite de sa grâce? Alléluia. Que Dieu t'amène à expérimenter et à vivre ses objectifs. Amen. Et ce programme est destiné à cette catégorie de personnes. Cette catégorie de personnes. La première personne qui est invitée dans ce programme et qui a besoin de ce programme, c'est cet archois, c'est cette archoise qui termine 2018, année de mon nouveau départ, avec gratitude pour toutes les bontés de Dieu, les réalisations de la faveur de Dieu. dans sa famille, dans sa vie, dans ses affaires, dans son travail. Il a vu la main de Dieu en 2018. Et cette personne voudrait 2019 qui arrive avec plus de réalisations. Il voudrait s'attendre à plus. Il est reconnaissant à Dieu. Et il dit, Seigneur, je suis content pour tout ce que tu as fait. Et je voudrais davantage en 2019. Je te prie, Seigneur, fais-moi plus. Et le Seigneur, comme un père qui aime, s'approche de lui et lui dit, tu sais, mon fils, Jérémie 29, 11, je connais moi les projets que j'ai faits pour ta vie. Projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Pendant que tu jouis de 2018, Dieu vient et il te dit, je peux faire plus que ça. Que Dieu fasse plus que ce qu'il a fait pour toi en 2018. Et que tu le reçoives, que tu l'obtiennes et qu'il en soit ainsi pour toi. Et que cette chose soit vraie. Qu'elle soit vraie. Alléluia. Ce papa est content quand il trouve un enfant reconnaissant, une fille reconnaissante. Et il ajoute et lui dit, et dit à cet enfant qui termine 2018, qui entredit, papa, je suis dans mon nouveau départ. Il dit, oui, tu fais bien de le reconnaître et de le réaliser. Tu fais bien, mais regarde. Dans Ésaïe 46, verset 3, 4, il dit, écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste la maison d'Israël. Vous que j'ai pris à ma charge, dès votre origine, depuis votre origine, je vous ai pris en ma charge. Et l'enfant à qui Dieu parle est content, dit, oui, c'est vrai, je suis en train de vivre ça. Tu m'as vraiment pris depuis mon origine. Je vis ça, Seigneur. Je le vis, Seigneur. Tu m'as pris en charge. Et papa est content. Il ajoute, il dit, je l'ai porté et je veux encore le faire. Je l'ai porté depuis votre naissance. Je vous ai pris en charge depuis votre naissance. J'aimerais dire à quelqu'un, si personne te connaît, il y a quelqu'un qui t'a pris en charge depuis ta naissance. Les uns étaient des prématurés. Qui sont des prématurés? Levez les mains. Il n'y a que deux. Ceux qui ne sont pas nés prématurés, acclamez le Seigneur. Mais ceux qui sont nés prématurés, vous allez doublement acclamer. Vous voyez, non? C'était grave. On vous a mis dans des couveuses. Mais qui vous a pris en charge? Dieu dit, je t'ai pris en charge depuis ta naissance. Si l'infirmière avait commis l'erreur de mal mesurer la température dans cette boîte-là, où on t'avait mis, tu ne serais pas là aujourd'hui. Je vous ai pris en charge depuis votre naissance. Dieu s'adresse à qui? À quelqu'un qui est reconnaissant. Il termine 2018, il est content. Et il dit, voilà, en fait, ce n'est pas seulement 2018. Depuis le commencement, je t'avais pris en charge. Et il ne s'arrête pas là. Il ajoute. Il dit, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Wow. Merci Seigneur. Tu me soutiendras. Tu me soutiendras Seigneur. Jusqu'à ma vieillesse. Tu vois Ghislain? Yes. Jusqu'à ta vieillesse. Est-ce qu'il faut commencer à penser que bon, ma vie a été raccourcie? Il dit, je t'ai pris en charge depuis ta naissance. Même si les sorciers ont essayé de gâcher les choses, il était là. Alors que les autres mouraient à Kampala à ta présence, toi tu as subsisté. Parce qu'il t'a pris en charge. Jusqu'à maintenant, qui pouvait savoir que tu pouvais t'asseoir à l'église, être capable de lever la main, même si c'est encore faible, mais il te prend en charge, oh. Alléluia. Et puis il dit, je l'ai fait. Regardez le texte. Il dit, je l'ai fait. Est-ce qu'il l'a fait? Qui sont témoins qu'il l'a fait? Acclame le Seigneur. Si tu es sûr qu'il l'a fait, alors acclame bien. Il dit, je l'ai fait. Je l'ai fait. Ce n'est pas ton oncle qui l'a fait, ni ton père, ni ton grand-père. Du reste, c'est des personnes qui ont même agi mal contre toi. Si tout dépendait de ton grand-père, tu n'existeras pas. Il t'aurait déjà mangé. Mais Dieu dit, je t'ai pris en charge. Le roi Saül pose la question à son général Abner. Il dit, Abner, viens un peu. Il dit, ce jeune homme-là, c'est qui? De qui est-il de la lignée? Il est de la lignée de qui? Abner dit, oh roi, vis à jamais, je ne connais pas. Et puis David vient avec la tête de Goliath sur le plat. Et lui amène au roi Saül. Il dit, bon, le gars qui vous a fait marcher pendant 40 jours et 40 nuits, voici sa tête. Saül ne revient pas. Il dit, hey, petit, dis-moi un peu, de qui es-tu fils? Autrement, unatoka wapi? Quelles sont tes origines? Qui t'a façonné? Unatoka wapi? J'ai des grands guerriers ici. Ils n'ont pu rien faire. Ils couraient avec moi. Et puis, petit, moi-même, j'ai couru, j'ai fouillé. Hein? Moi-même, le roi. C'était sauf qui peut, mais toi tu viens d'où? Abner a dit, je ne le connais pas. Probablement personne ne te connaît, personne ne connaît ton origine. En fait, il n'y a rien d'intéressant même. Pour que les gens s'intéressent à ton origine, ils vont trouver quoi? Mais quelqu'un, pendant que personne ne te voyait, pendant que personne ne s'intéressait à toi, quelqu'un s'intéressait à toi. Il a dit, depuis ta naissance, je t'ai pris en charge. Il y a quelqu'un qui connaît ton origine. Il dit, je t'ai accompagné. Et jusqu'ici, je t'ai soutenu. Et puis il ajoute, il dit, je t'ai porté. Ça n'est ni kunyangula ni kakubeba. N'est-ce pas autant d'accidents que tu as raté? Qui t'a porté? Ah, c'est vraiment, il y soit à tout. Chérie. Ni me soit à tout. Ou me soit à. Qu'est-ce que signifie que soit à? Signifie le mal était en train d'arriver. Et puis j'ai constaté que, ça, que je ne suis pas dedans. Dieu dit, j'étais porté. Niri kunyangula, wakati accident nata kukubeba, j'étais porté. Et il dit, je vais encore te porter. 2018 est terminé, j'étais porté. Je ne suis pas fatigué de toi. Je vais encore te porter, te soutenir et te sauver. Vous avez vu ça? Verset 4. On peut le lire ensemble. Allons-y. Verset 4. Ésaïe 46, 4. À haute voix. Je l'ai fait. Je veux encore vous porter, vous soutenir, vous sauver. Je veux encore le faire. Autrement, je ne suis pas épuisé de toi. Je ne suis pas fatigué à ton sujet. Tu es content des bénédictions de 2018. J'en ai encore dans la poche. Le sac est encore plein. Dites à ton voisin, il m'a dit que son sac est plein. Oh. C'est pourquoi je viens dans les grâces insondables, hein, pour puiser dans ces sacs-là. C'est ce que Paul appelle les mystères. Il dit, ces mystères, c'est que nous sommes cohéritiers. Nous héritons la même promesse. Nous sommes devenus membres de la famille de Dieu. Il dit, nous sommes à mesure de recevoir la plénitude, toute la plénitude de Dieu, par grâce. Voilà la première personne à qui est destiné ce programme. Tu es reconnaissant, c'est pourquoi amène les témoignages, écris les témoignages, ou viens parler. Tu peux voir les serviteurs de Dieu au bureau et leur partager le témoignage. On va te programmer pour témoigner au courant de ces deux semaines. Viens et témoigne. Parce que Dieu dit, je l'ai fait et je vais encore le faire. Je ne suis pas fatigué de toi. Même si tu as beaucoup pleuré, longtemps pleuré, il était en train de te porter. S'il ne te portait pas, tu n'aurais même pas le temps de pleurer parce que tu disparaîtrais. Tu ne serais pas là. Alléluia. Alléluia. Dans Genèse chapitre 26, verset 22, nous voyons Isaac qui prospère abondamment, terriblement, jusqu'à susciter la jalousie du gouvernement d'Abimélec, le roi des Philistins. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu peut te faire prospérer jusqu'à susciter la jalousie du gouvernement. Et Abimélec et son peuple se fâchaient contre Isaac. Tu es prospère. Ils disent, Isaac, quitte chez nous. Tu es devenu plus fort que nous. Gouvernement, je suis devenu plus fort que vous. Il dit oui, la grâce. La grâce. Il est écrit au verset 12, Isaac sema. Et il récolta au centuple. Il alla s'enrichissant. Au point de devenir vraiment fort, riche. Et la jalousie a commencé. On l'a chassé. Et partout où on les chassait, ils prospéraient. Ils l'ont suivi. Ils l'ont chassé encore. Finalement, au verset 22, il est écrit, et il se transporta à Kajinyangula. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il appela Rehoboth. Dites Rehoboth. Il voulait dire en Rehoboth, il voulait dire, jusqu'ici, cette fois-ci, l'Éternel nous a mis au large. L'Éternel m'a maintenant mis au large. Rehoboth. Que ton Rehoboth commence aujourd'hui. Que l'Éternel te mette au large. Et il ajoute, et nous prospérerons dans le pays. Il y en a qui veulent prospérer à l'étranger. Moi, j'aime prospérer ici. Hein. C'est mieux hein, de prospérer chez soi. Il dit, nous prospérerons dans le pays. Pourquoi? Parce que nous avons tapé la grâce. Nous avons accédé à la grâce. La grâce que le Père a adressée à papa Abraham, à athée Isaac. Et il dit, désormais, je suis dans Rehoboth. L'Éternel me met au large. Il me met au large. Il me sort du carcan, des querelles, des jougs, des obstacles. Il me met au large. Nous prospérerons dans le pays. C'est pourquoi je t'invite, frère, sœur, toi qui es concerné par ceci, viens dans ce programme. C'est de toi qu'on a parlé. Viens. Et le Dieu de grâce qui dit, j'ai fait, je vais encore faire. Alors viens, il va encore faire. La deuxième catégorie de personnes qui sont concernés par ce programme. C'est un archois, une archoise qui a l'impression d'avoir raté son nouveau départ. Mais qui se dit, mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Il se dit, j'ai attendu ceci, je ne l'ai pas encore vu. J'ai attendu cela, je n'ai pas encore vu. Mais Dieu n'a pas changé. Le Dieu qui a exaucé mon voisin, il est encore le même. Il ne change pas. Et il s'est dit, Seigneur, je veux continuer à te faire confiance. Si tel est ton cas, laisse-moi te donner un conseil et un encouragement. Il y a eu un homme semblable à toi, il s'appelle Job. À un moment donné, vous connaissez l'histoire, tout est fauché pour lui. La Bible dit qu'il était ulcéré jusqu'au sous la plante de pied. Ça veut dire qu'il ne pouvait plus marcher. Il passait ses journées à se gratter jusque dans la tête. Job. Et il s'est attendu à Dieu. Il crevait là, au point que sa femme est arrivée. Et sa femme lui a dit, chérie, regarde, si tu restes comme ça, nous tous on va souffrir. Tu vois, quand tu te grattes là, moi-même je souffre, non? Fais quelque chose. Insulte Dieu. Comme ça, Dieu se fâche contre toi et il te vire et il te tue. Et puis, tu te reposes. Maman Job, tu es insensé. Tu ne sais pas que si Job fait ça, il va aller se gratter en affaires. Parce qu'il est écrit qu'en affaires, qu'est-ce qu'on se fait là-bas? Et il y a des pleurs et des graissements des dents. Ici, au moins, il se gratte, il ne graisse pas les dents. Si il obéit à ton conseil, maman Job, ton mari là, ton chéri, il va aller en affaires. Heureusement, sa réponse est glorieuse. Il dit, femme, tu ne sais pas ce que tu dis. Nu, je suis sorti du sein maternel. Nu, je reviendrai. Et puis il dit, est-ce qu'on doit recevoir seulement les sucrés de Dieu et non pas les mbogabuchungu? Devons-nous seulement recevoir de Dieu les choses délicieuses? Mais pendant que Job a réussi cette première épreuve au début de son épreuve, ce n'était pas une épreuve de deux jours, ça a continué. Et il a continué à s'empirer. Ses amis l'ont aidé à l'enfoncer dans la tristesse. Mais il est resté debout, il a dit, je connais Dieu, je connais Dieu, je connais Dieu. Jusqu'au chapitre 19, verset 27, regarde ce que Job exprime. Il dit, mon âme languit d'attente au-dedans de moi. C'est ce que tu es en train de vivre. Tu languis d'attente au-dedans de toi pour voir Dieu t'utiliser puissamment, pour voir Dieu opérer dans ta famille, délivrer ton mari. Il y a un esprit de divorce qui est en train de courir actuellement dans les églises. Et tu languis, tu te dis, na mimi nataka fiki wako, hii roho inaanza kututembelea. Tu languis, tu dis, Seigneur, sauve mon mari là où il est parti. Certains, c'est, Seigneur, sauve ma femme. Tu languis au-dedans de toi. Et tu as l'impression que ça s'empire. Au lieu que le mari vienne, revienne, au lieu que la femme revienne, elle fait que s'enfoncer. Elle ne comprend pas. Et comme Job, tu languis après la délivrance, tu languis après le secours divin. Et puis Job se ressaisit. Au verset 25, il dit, mais je sais que mon rédempteur est vivant. Laisse-moi t'annoncer que ton rédempteur est vivant. Tu peux dire au voisin, je sais que mon rédempteur est vivant. Dis-le avec assurance, même si tu es de la première catégorie, dis-le. Mon rédempteur est vivant. Bon, si tu n'arrives pas à croire, dis, je crois que mon rédempteur est vivant. Enfin, je te donne une dose qui s'adapte à toi. Alléluia. Job dit, mais je sais que mon rédempteur est vivant. Hein? Si ton rédempteur est vivant, qu'est-ce que ça fait? Mais regarde, tu te grattes. Tu peines. Oui, je peine. Mais aussi longtemps que mon rédempteur est vivant, ce n'est qu'une question de temps. Je me gratte pour un temps. Ce temps va toucher à sa fin. Vous savez que sur la terre, chaque chose expire. Même la souffrance dans laquelle tu es va expirer. Mon rédempteur se levera. Il est vivant. Et il dit, il se levera le dernier sur la terre. C'est-à-dire, si même il ne se lève pas à Goma, il se réveillera à Kigali, Bas, ou à Kampala, ou à Bangui, ou à France. Si ton Dieu, tu as l'impression qu'il ne se lève pas à Goma, il est possible qu'il va se lever aux États-Unis alors. Il est le Dieu de toute la terre, le Créateur qui engendre l'existence. Il se levera, mon Rédempteur se levera, et il me sortira d'ici. Il me sortira de cette situation. Le célibat m'a chiffonné. Je suis comme chiffonné. Je suis comme un chiffon, Mukambi. Le célibat. Inspire-toi de Job. Job dit, mais je sais, mon Rédempteur se levera. Et puis, il parle avec foi, il dit, il se levera sur la terre. Et il ajoute, je le verrai. C'est-à-dire, on ne m'apprendra pas qu'il s'est levé pendant que je ne suis pas là. Je le verrai. Vous avez vu ça? Et je le verrai. Et il me sera favorable. Et mes yeux les verront. Je le verrai. Il me sera favorable. Et mes yeux le verront. Ça dit, ce n'est pas une aventure. Ce n'est pas une histoire. Ça ne sera pas un montage. Dis à ton voisin, hein, mes choses ne seront pas un montage. Quelles sont tes choses? C'est la guérison? Ta guérison ne sera pas un montage. C'est le mariage? Ton mariage ne sera pas un montage. Oh, mina pokia tu ba bwana, beba na ole, ba na owa, joma na kuyaka uniomba mukono, ba nifanye deuxième bureau. Ça, ce sont des montages. Si c'est ça qui t'arrive souvent, viens dans ce programme. La grâce va t'amener de manière beaucoup plus spécifique et exacte dans ta destination de mariage réel et mariage effectif. La grâce va t'amener dans ton ministère de manière effective. La grâce va t'amener dans tes réalisations et les entreprises que tu as à cœur de fonder. Dieu va t'y amener de manière exacte. Pas un montage. Et pour ceux qui veulent aller dans la politique, vous êtes dans les campagnes, je vous ai dit il y a quelques dimanches, frères et sœurs, si vous allez faire du bien à ces pays, la grâce va vous amener. Mais si vous allez faire du mal, la grâce va vous arrêter. Écoutez, la grâce de Dieu fonctionne comme un couteau à deux tranchants. Dieu dit à Abraham, celui qui te bénira, je le bénirai. Celui qui te maudira sera quoi? Sera maudit. Et si vous êtes là pour le bien de la nation, alors la grâce de Dieu vous y amène. La grâce. Je le verrai. Ça ne sera pas un montage. Ça sera une réalité. Et mes yeux le verront. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Job, quand il est en train d'expérimenter cela, il ne se rendait pas compte en fait que ce qu'il disait, imaginez qu'il se gratte et il dit, je verrai. Il ne sait pas exactement qu'en effet, il y a quelqu'un là-haut qui est en train de préparer les choses que lui est en train de dire. Il ne savait pas que ce Dieu-là qui se levera prépare le double de ses richesses à lui rembourser. Quand vous allez dans le dernier chapitre, il est écrit, et Dieu dit à Job, va prier pour tes amis qui sont venus te troubler, parce que sinon je les tue. Ah bon? La grâce. Quand Dieu dit je te prends en charge, il peut même éliminer tes ennemis. La Bible dit je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Lorsque tu as obtenu grâce, tout peut arriver. Faites gaffe, faites attention avec les gens qui sont sous la grâce. Parce que l'ennemi peut être frustré dans ton affaire. Je l'ai expliqué au premier culte. Le diable, Satan, a souvent été frustré, mais sans rien dire. Parce que lui, lorsqu'il prétend qu'il va t'amener à X, Y, il ne te dit pas que quelque chose de contraire peut aussi arriver. Il te rassure et il te prétend qu'il est le Tout-Puissant. N'est-ce pas vous qui avez été dans les ordres mystiques? Est-ce que le diable vous a déjà été sincère avec vous un jour? Et il vous a dit, bon, je suis Satan, hein, mais je ne suis pas le Tout-Puissant. Il y a un Tout-Puissant là-bas. Est-ce que le diable vous avait dit ça? Il a prétendu que c'était lui. Malheureusement, quelquefois, il est amené à être frustré. C'est-à-dire, lorsqu'il est en train de t'amener dans ses affaires, il t'amène, et puis la grâce tombe sur toi. Il est obligé de te laisser. Ah. Et il sent, et il réalise qu'il n'a pas de choix. Et que celui qui vient d'arriver dans ton parcours et ta destinée est plus fort que lui. Et il est plus fort que lui définitivement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre essai. Au temps de Jésus, lorsque le diable a tenté Christ dans le désert, la Bible dit, quand Jésus a fini de le virer, il dit, il est écrit, et le diable le quitta pour attendre un autre moment favorable. Quel fut cet autre moment favorable? La croix. Il a mobilisé les troupes. Crucifie-les. A fait. Et il a jeté des démons dans les foules. Ils ont crié. Livrez Jésus. Libérez Barabbas. Il était en train de dire ça. Et puis, les Pilate, les Hérode, les Caïphes, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils ont fait leur jeu jusqu'au bout. Et puis Pilate est rentré avec un morceau de papier et a dit, bon, ok, moi je ne trouve pas de mal dans ces gares-là. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Amenez-les. Il dit, bon, je me lave les mains. Et puis il dit, ok, comme tu te laves les mains, nous on les récupère. Nous on l'amène. Il doit mourir. Et puis on l'a amené à la croix. Le diable est content. Il commence à fêter. Il ne sait pas qu'il veut crucifier la grâce. Il est allé avec. Crucifie-les. Cherchez un bois fort. On a cherché un bois fort. La croix. On l'a cloué. Il a crié. À la fin, Eloi, lama sabachthani. Et il rendit l'esprit. Et le diable dit, Ozui, mina kupata. Si wa oule me koufa. Et il est rentré aux enfers, il est écrit. Et il a prêché en affaire. Ou na kuya ubilite na ukwenye niko. Et le troisième jour, il est sorti du tombeau. Il est sorti vivant le troisième jour. Et le diable, Je ne sais pas s'il est parti s'asseoir sous un arbre pour méditer sur la chose. Pour dire, Mambuikoyaï. Mais je croyais que je l'ai eu cette fois-ci. Tu ne m'as pas eu. Celui qui est suprême, qu'on appelle l'ancien des jours, qu'on appelle le Dieu vivant, qu'on appelle le créateur, qu'on appelle la source de toutes choses, celui qui engendre l'existence, il est venu s'interposer. Il est écrit, puisque le même esprit qui ressuscita Christ d'entre les morts vit en toi. Est-ce que vous voyez? Le mystère dont Paul parle, l'esprit qui ressuscita Christ vit en toi. Il va frustrer Satan. Satan sera frustré encore durant ces 2 semaines. Parce qu'il pensait qu'il va te manger avant la fin de... Il ne saura pas te manger. Parce que tu viens d'entrer dans la grâce. La grâce. Lève-nous, on va prier un instant. Lève-nous, l'état est fini. Nous allons continuer demain. Alléluia.